Les rues de Paris ne sont plus sûres. Vous savez que dans certains quartiers de la capitale, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. Tenez, mon nouvel épicier, M. Rachid Cherkaoui, s'est fait agresser la nuit dernière, dans le 18e. Et j'aime bien M. Rachid Cherkaoui. J'aime bien, c'est vrai. Il est arrivé dans le quartier il y a 6 mois. Il venait de racheter le fonds de commerce de M. et Mme Lefranc, qui périclitait. Il faut dire que pendant les heures d'ouverture du magasin, Mme Lefranc allait se faire pétrir par le boulanger, pendant que M. Lefranc en profitait pour aller boucher la bouchère. Le reste du temps, l'épicier se recroquevillait sur des enfilades de ballons de muscadet au rendez-vous Montmartre de la rue Caulaincourt, en compagnie de M. Leroy, le boucher. Ah oui, les deux hommes s'estimaient mutuellement. Outre qu'ils vaquaient au même trou, ils avaient en commun une certaine idée de la France faite à la fois de fierté municipale, de foi régionale et de front national. Une haine tenace pour les étrangers, les grandes surfaces et l'eau minérale les rapprochait encore. Chaque soir, quand monsieur et madame Lefranc finissaient par réintégrer l'épicerie à l'heure de Colaro, ils se dépêchaient de fermer pour pas rater Bouvard. Si bien que les clients éventuels, lassés de poireauter au poireau, avaient fini par reporter leurs instincts légumiers crépusculaires vers les grandes surfaces. « Femme !» dit un soir monsieur Lefranc, avec dans le ton une solennité qui ne lui était pas coutumière. « Femme, nous sommes prises à la gorge par les gros à la solde de l'étranger. C'est dur à dire, femme, mais nous allons devoir vendre l'épicerie. » Madame Lefranc opina du sous-chef, car c'était une femme réservée. Or, l'épicerie, forcément, dans l'état où elle était, personne n'en voulait. À quelque temps de là, alors qu'il glougloutait ses petits blancs en maudissant le Maghreb, Vichy-Saint-Yor et les établissements Mammouth, monsieur Lefranc vit venir à lui un petit homme bien mis, quoique de type relativement basané. « Bonjour, monsieur, dit le petit homme. Vous êtes bien monsieur Lefranc ?»« Qu'est-ce qui me veut, ce melon ?» dit monsieur Lefranc, prenant la salle à témoin de l'outrecuidance de l'intrus. « Je vous demande pardon, dit le petit homme. Je ne suis pas un melon, je suis épicier. Je m'appelle Rachid Cherkaoui. J'ai entendu dire que vous cédiez votre magasin. Ça m'intéresse, voilà, c'est tout. »« Oh ben merde alors !» dit monsieur Lefranc en tapant sur la table. Ça me ferait vraiment trop chier de voir un feignant de bicot dans mon magasin. Plutôt crevé. Après s'être ainsi brillamment exprimé, monsieur Lefranc se dit qu'il n'aurait probablement pas deux fois la chance de rencontrer un pareil gogo. Et dès le lendemain matin, en toute discrétion, il signait la cession de son bail à monsieur Rachid Cherkaoui. Puis il prit le train à Montparnasse, pour aller finir ses jours en Morbihan dans sa villa, Ker Mein Kampf. En compagnie de Madame Lefranc, qui se consolait déjà de son ultime étreinte dans le pétrin, en caressant le projet d'aller barater le crémier de la rue du Varec de Quimperlot les deux crêpes. On n'entendit plus jamais parler d'eux. Et je dois dire que dans le quartier, nous sommes très contents de notre nouvel épicier. Vraiment. Pour des feignants, c'est incroyable de voir à quel point les épiciers arabes se lèvent tôt et se couchent tard. C'est à se demander quand ils regardent les jeux de 20h. Pour nous, évidemment, c'est très pratique. Tenez, le dimanche soir, par exemple, monsieur Rachid Cherkaoui ne ferme jamais son épicerie tant que tout le quartier n'est pas rentré le week-end. Tiens, je me rappelle, l'autre dimanche, j'y suis allé, il était, j'ai sûr qu'il était plus de 9h du soir. Eh bien, à 9h du soir passé, je puis me manquer un pain de mie, une salade, enfin peu importe. Et bien, 9h30 du soir passé, c'était encore ouvert. Monsieur Rachid était là, dans l'arrière-boutique, en train de jouer au domino avec un autre maghrébin qui lui ressemblait vachement. D'ailleurs, il me l'a présenté tout de suite, il m'a dit « C'est mon frère Mohamed. Mohamed, je te présente un client très gentil. » Oui, parce que je suis très gentil, je vous emmerde. Alors j'ai dit « Bonjour monsieur Mohamed, vous êtes aussi du quartier ?»« Oui, dit-il, je viens de racheter la boucherie de la rue Lamarque. » La boucherie de la rue Lamarque, la boucherie de monsieur Leroy. Non, je m'étonnais tout de même que monsieur Leroy, qui avait le même foie, la même fierté et le même front que monsieur Lefranc, ait consenti lui aussi à céder son magasin à un individu de type nom gaulois vachement prononcé. Hein. Alors il m'a dit oui, on me l'a, au début il m'a fait des difficultés. Il a dit, il a commencé par dire qu'il ne traitait pas avec les melons. Alors je lui ai dit, mais monsieur le roi, on vous aura mal renseigné. Je ne suis pas un melon, je suis blanchisseur. Alors là, il a gueulé. Il dit, quoi, ma boucherie, pour en faire un pressing, ils sont pas bien, ces ratons. Alors j'ai dit, mais là encore, vous vous trompez, monsieur le roi. Je vous assure, je ne suis pas un raton. Je vous dis que je suis blanchisseur. Alors, raton laveur, à la rigueur, si vous y croyez. Et alors là, il m'a foutu dehors. Et alors ? Et alors, nous avons signé dès le lendemain matin. Je me rappelle encore que ce dimanche-là, avant de nous laisser repartir, son frère et moi, Monsieur Rachid avait tenu à nous faire goûter un petit muscadet de l'année qu'il venait de recevoir. Encore un peu vert, mais très bien, très fruité. Bon petit vin. Je me rappelle aussi que lui-même ne s'en était servi qu'un petit fond de verre pour trinquer. Parce que, comme il dit, il faut que je fasse attention, je suis moitié diabétique, moitié musulman. Mais moi, je sais bien qu'il préfère les Bordeaux rouges. Ce matin, pour la première fois depuis 6 mois, le rideau de fer de l'épicerie Cherkaoui est resté baissé. Monsieur Mohamed était là, dans tous ses états. Il m'a expliqué que son frère venait de se faire hospitaliser avec 10 points de suture au visage. Il avait été attaqué au couteau, à la nuit tombée, par des inconnus. Alors, Monsieur Mohamed et moi sommes allés chez le fleuriste du coin faire l'emplette d'une poignée d'anémone et je l'ai accompagné à l'hôpital. Mais les rues de Paris ne sont plus sûres.